arrivée. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Good afternoon, Toronto. You're listening to Suppression here on CHRY 105.5 FM. My name is Mathieu. I'm going to be with you until the end of the hour. I'll be playing some French language punk, ska, and hardcore. I've got a great show lined up for you today. We've got an interview with Montreal punk band Action Sédition that we did about a week and a half ago in Hamilton during the Rubble Fest. It's a great interview. They're a great band. So stay tuned because it's going to be a great show. Alors salut, c'était Side Pirates, on a encore la chanson là, qui joue un peu en arrière-plan. Je rentrais un peu tôt parce que... ouais, c'est ça. Alors salut, vous écoutez Sous Pression, zone de CHRY 105.5 FM à Toronto, le CVR 103.5 FM à Yellowknife. Je m'appelle Mathieu, je suis avec vous jusqu'à la fin de l'âge, je vous fais jouer du punk, du ska, du hardcore, tout en français. Et j'ai tout gâché les débuts de l'émission. Mais qu'est-ce que tu veux? Je suis rentré, j'étais sorti du studio, puis la chance, je pensais que la chanson était terminée. Alors, en tout cas, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que j'ai une excellente émission préparée pour vous aujourd'hui. J'ai une entrevue avec Action Sédition, c'est l'entrevue qu'on a faite avec le groupe, fait le 27 avril, peut-être une semaine et demie environ, là, à Hamilton, dans le cadre du Rebel Fest. C'est une entrevue faite avec le groupe au complet. Et les entrevues faites avec le groupe au complet sont toujours, selon moi, je pense, un peu plus intéressantes, où tu vois vraiment la dynamique entre les membres du groupe. Alors, je pense que ça... C'est quelque chose qui était très évident dans l'entrevue qu'on a faite avec Action Sédition. Vous allez l'entendre ça un peu plus tard dans l'émission. Mais avant ça, bien sûr, vous faire jouer de la musique. On a commencé avec Streets of Rage, la chanson East Side Pirates, de leur album du même titre, l'album qui est sorti vraiment à la fin de l'année passée, le 2012, sur Casual Records. Et je vais faire jouer une chanson, cette fois-ci, sortie dans 2002, par La Gâchette, de leur album En route vers demain. C'est la chanson SOS Justice, ici à Sous Pression. Tu es une victime de la justice, n'importe quoi, elle est toi. Salut, vous écoutez toujours Sous Pression, zone CHRY 105.5 FM à Toronto et le CIVR 103.5 FM à Yellowknife. Pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre, je m'appelle Mathieu, je suis avec vous jusqu'à la fin de l'heure et je vous fais jouer du punk, du sky, du hardcore tout en français. Dans le dernier bloc, on a commencé avec La Gâchette, la chanson SOS Justice de leur album En route vers demain. Ayoka, après ça, avec l'envers du décor, et on a terminé avec Action Sédition, la chanson grogne populaire de leur album Rapport de Force. Alors, en parlant d'Action Sédition, je vais faire jouer l'entrevue qu'on a faite avec eux. Moi, que j'ai faite avec eux, la fin de semaine, pas la fin de semaine passée, mais la fin de semaine d'avant, lorsqu'ils étaient à Hamilton, et ont fait un concert dans le cadre du Rebel Fest, on s'est assis avec eux pour une bonne longue entrevue d'environ 20-25 minutes. On a parlé de plein de choses. On a parlé de quoi? On a parlé de la scène de Street Punk à Montréal, on a parlé de la politique, on a parlé de la musique, de toutes sortes de choses. C'était une bonne entrevue. Je vais vous laisser entendre ça dans un instant. Mais un petit je vais vous mettre en contexte. J'offre mes excuses d'avance. J'avais pris quelques verres avant de faire l'entrevue. Parce que j'étais arrivé au bar un peu tôt. Alors, désolé si la qualité de l'entrevue était affectée par le niveau de consommation, mon niveau de consommation de breuvage. Alors, voici l'entrevue avec Action Sédition. Alors, bonjour. C'est avec Action Sédition. C'est votre premier show à Hamilton? Oui. À l'extérieur du Québec aussi. Oui, votre premier show à l'extérieur du Québec. Êtes-vous déjà venu au Rebel Fest avant? Oui. On a nos amis de Jeannette Lapatride. Oui. Puis quand on descend... On descend en grand, on est monté à une coupe de char. Ouais. On est monté à peu près autant que, là, je dirais, il y a 25-30 personnes de Montréal. C'est à peu près la même chose quand Jeunesse à Patrick avait joué. Ouais. Ouais. Non, c'est vrai, il était venu avec une bonne crew il y a 2 ans. Alors, mais c'est votre premier show à l'extérieur du Québec. Avez-vous certaines attentes? Pas en tout, boire de la bière. En fait, je sais pas s'il y a du monde qui stresse par rapport à ça. Comme tu as pu le remarquer, j'ai quand même une petite blessure au poignet, fait qu'à part ça devrait être correct. Ça va bien se passer. Mais c'est sûr, on chante en français, sûr qu'on n'a pas des grandes attentes, là, que ça... Le Ben après ça fasse fureur. Tu sais, nous on est là parce que pour la cause, puis aussi parce que ben, c'est vraiment cool. On aime se jouer partout, puis on est vraiment motivé à jouer dans n'importe quelle ville, n'importe où, si on se fait inviter. Puis au pire, on a nos paroles qui sont traduites en anglais. Ah, c'est vrai. Fait que pour les gens qui sont intéressés à savoir qu'est-ce qu'on raconte dans nos chansons. C'était. Ben, tu sais, je vais vous commencer à vous présenter. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais, pas une mauvaise idée. Alors, moi, c'est Guillaume au drame. Guillaume au drame. Émilie à la basse et au chant. Beau guitare. Éric au chant. Pookie à la guitare. Merci beaucoup. On va commencer avec ça la prochaine fois. Correct, tu feras ça dans le montage. Ou tu peux le laisser de même, là, comme tu veux. On verra. Alors, question obligatoire, comment est-ce que vous êtes arrangé pour vous connaître puis pour vous rassembler en tant que groupe? Je pense que ça s'est fait pas mal tout seul. On vient tous de la même sous-culture un peu. On a les mêmes valeurs pas mal similaires. Ouais, on s'est rencontrés dans un site de rencontre. Non, c'est vraiment... C'est ça... On est une grosse crew à Montréal, c'est pas pour rien qu'on réussit à descendre 25-30 dans des shows à Hamilton. Fait que c'est assez facile, on a tous des liens ensemble, puis c'est vraiment. Il y a du monde qui à un moment donné ont voulu partir un band, qui sont plus dans le band maintenant. D'ailleurs, mes idées, c'est un petit peu la continuité de ce qui était notre band avant. Il y avait Médé, Action Sédition, qui était la bannière de Moses Blondie. Ben, de Dry Skin avant, mais ne pas oublier Dry Skin. la scène est interconnectée, on est tous... Mais juste il y a 3-4 ans, je me rappelle, juste pour le fun, j'avais déjà jamé avec Bora. Ouais. Comme de fil en aiguille, ben, ça a évolué. Là, je pense qu'on est vraiment allé par des liens d'affinité, comme Action Sédition. Moi et Rémi, on jamait bien ensemble. Tandis que, tu sais, Rémi, il a déjà jamé avec Frank de m'aider. Ça a peut-être moins kické, mais... Ben non. Ça a juste pas allé. Non, non. C'est ça qu'on m'a dit, man. Même chose. J'avais joué avec Mathieu aussi de m'aider, ça a juste pas abouti. Ah, c'est de la faute à Frank m'a entendu ça, man. Alors, vous êtes assez bons amis avec des bons... C'est des bons camarades. Wow. Il n'y a pas de rivalité en les deux groupes. Non. Ben, c'est sûr qu'il y a des rivalités qui se font naturellement, mais c'est rien de méchant. On va s'acquiner, mais on traîne ensemble, amicale. On boit de la bière. Ça fait des années qu'on se connaît. OK, alors réaction Cédisson, ça fait. Si vous demandez de donner une date, là, ça fait combien d'années que vous êtes ensemble? Ça fait quand le show? Moi, je dirais automne 2011. Ouais, c'est automne le premier 2011? Show public, officiel. C'était là. Sûr, ça faisait un bout de ton jamais, mais. Moi, j'étais spectateur à ce show-là. Pookie n'était pas encore membre. Il rêvait d'être dans En fait, on l'a convaincu avec ce show-là d'embarquer. J'ai raté I Am pour voir ce show-là. Ouais! J'étais rendu là. Puis ça vous a pris. Vous avez sorti votre album. Ouais. Bonjour. Vous avez sorti votre album Rapport de Force décembre. Ça vous a quoi, pris un an pour sortir ça? Ah bah, vous me parlez en parlant de vous. Ah c'est beau, bienvenue. Salut. C'est vrai que maman, j'ai bientôt fini mon interview. Vous voulez parler un peu du processus d'enregistrer votre album, Rapport de Force? Oui, ben dans le fond, ça faisait un bout que nous, on cherchait à enregistrer, mais finalement, je pense que ça a été une bonne chose que ça prenne autant de temps avant qu'on se batte là derrière, parce qu'on a vraiment peaufiné nos chansons et tout. Ça s'est fait cet automne, quoi, au mois d'octobre à peu près, l'enregistrement. C'était avec des amis, dans le fond, d'un groupe de rappeurs et graffeurs de Montréal qui s'appelle le K6C. Yeah. Puis eux, ils ont un studio d'enregistrement. Puis comme on les connaît bien, on a été enregistrés là pour notre premier album. Puis on a vraiment chillé avec eux, dans le fond, trippé. Puis c'était une première pour nous. C'est tout « do it yourself ». On a décidé de sortir ça par nous-mêmes. La pochette, c'est nous qui c'est beau, qui a des skills. En arrière, c'est le graphe à... Grand-papa B! Un artiste devenu qui a fait de la bonne job. Ouais. Ouais, puis... Tu sais, c'est... Les photos qu'il y a du band ont toutes été prises par... un autre artiste devenu. Par une camarade, dans le fond, qui est photographe. Tout ça. Ouais. On a vraiment fait appel à notre réseau, réseau d'amis. C'est Jackie Chan. C'est Jackie Chan. Jackie Chan? Non, aussi. Alors, la photo de vous, masqué, en fait, le rapport de force, c'est juste un hasard que c'était un graphe de rapport de force. Jackie Chan l'a fait pour nous, mais c'est une commande, mais on y a demandé. Ouais. Okay, même chose pour les costumes, là, c'est à lui. C'est pas dans mes questions. Je vous ai vu récemment sur un site, cette photo-là, sur un site anti-antifa de Bonnet. Comment est-ce que. Ça a été quoi votre réaction à voir votre photo sur un site de Bonnet? On a surpris parce qu'on l'a mis public, la photo, donc on n'a rien à vraiment se cacher. C'est pour ça aussi que. On est masqué sur la photo et tout, là, c'est pas juste pour l'esthétique, là, c'est aussi... on sait que c'est le genre de choses qu'ils peuvent faire, mais ben en même temps, on les attend à n'importe quel de nos shows, je veux dire, s'ils veulent aller plus loin, genre arrêter juste montrer nos faces puis se pointer dans notre show, mais on va être là. Bon, ça va, c'est qui, mais moi, la raison pour laquelle je me suis masqué, c'était aussi parce que je travaille aussi dans tout le monde, fait que... Ouais. Être un petit peu plus low-key. Tout ce qui est police aussi. Ouais. On a fait beaucoup de choses contre la brutalité policière et tout ça. C'est certain qu'on se protège aussi de la police. Ben, surtout, ouais. En fait, on n'a pas... C'est pas vraiment les FAF notre problème. Ouais. Avez-vous déjà eu des problèmes avec eux à vos shows? Jamais. Non. Le plus gros truc, ça a été notre show à Sherbrooke. Ouais. Avec la police. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Union Meurtre, on peut dire. Ben, on jouait avec les Ramoneurs d'Amérique, puis il y avait Flo des Ramoneurs qui voulait fumer un joint. Fait qu'on y a passé un joint, il l'a allumé en dedans. Ça s'est bien passé, ça a dégénéré. Le gérant, il a appelé la police. Il y a une genre de descente de police. On plein de monde qui ont coupé à du port aussi. Ouais, la police s'est fait sortir assez rapidement du bar, là, mais ils ont appelé du doigt. Ils ne sont pas revenus d'ailleurs dans le bar après. Ah, ben, alors, vous pouvez dire que Action City a aidé à expulser la police. Yeah! On soutient l'expulsion de la police. Surtout qui était là, qui. Bon, en fait, surtout. Tout le monde se tenait. C'était vraiment un beau travail d'équipe de toute la salle. Ok, tu sais, je vais vous poser une question. Pas dans mes questions du tout, mais ça rentre dans ce que vous venez de dire. C'est ça. Freestyle. La bière parle. Ouais, la bière parle. C'est ma troisième, quatrième, je pense. Je parle des étudiants, des punks, tout ça. Je peux pas m'empêcher de vous parler, de demander un peu, de poser des questions concernant la grève étudiante, le mouvement qu'il y a eu l'année passée. Vous en parlez un peu. Il y a des photos dans votre pochette, tout ça. Selon vous, est-ce que pouvez-vous nous parler un peu de un peu votre expérience avec ça par rapport à Action Sédition? Est-ce que ça vous a influencé en tant qu'un groupe? Je ne veux pas parler des choses que vous avez faites personnellement. Oh, ouais. Mais en fait, pour commencer, c'est certain, ce qui est le fun, en fait, ce qui a été le fun, c'est qu'on avait écrit des chansons avant la grève, mais qu'on a sorti quand même notre CD après la grève, après la fin de la grève, mais... Avant la grève, il y avait déjà les chansons comme Prisonnier politique qui étaient écrites, Grogne populaire. Ouais. Mais ce qui a été le fun, c'est que ça a confirmé ce qu'on disait dans nos chansons comme Prisonnier politique. Il y a un bout sur les manifestations, qu'on explique le profilage politique un petit peu, puis c'est quoi qui se passe. Puis ben ça a juste... Avec ce qui s'est passé avec la grève, c'est tellement d'actualité que ça nous a fait connaître un petit peu. On a fait des concerts là, avec Action Sédition pendant la grève de soutien ou juste des concerts après une manifestation, tu sais, juste pour continuer. En même temps, notre premier show, c'était aussi un show étudiant. Là, ah ouais? On a toujours fait des shows. Puis durant la grève aussi, on a fait un show à l'UQAM. Une after-manif un peu illégale. Ouais. On s'est plugué dans une école. On a fait un show d'une salle dans l'école. C'était une belle ambiance. Un des très bons shows qu'on a fait, c'était selon moi. Il y avait Enzo, puis Mise en demeure. Puis dernièrement, on a aussi joué pour les 40 ans de l'association étudiante du cégep de Maisonneuve à Montréal. Ça n'a pas été notre meilleur show, mais on a des bons liens, c'est sûr. Comme moi, personnellement, je m'impliquais déjà dans le mouvement étudiant avant tout ça, dans le fond. Fait que je connais bien ce milieu-là. C'est sûr que ça a influencé les paroles qu'on a de ce mouvement-là, mais comme tel, la grève de 2012, comme tel, je pourrais pas dire que ça nous a influencé, ça nous a juste confirmé dans nos positions. Puis, pour vrai, chaque jour, on haïssait plus la police, je pense. S'il y a rien d'autre à dire. C'est sûr de l'air plus. Certains, on a tous participé plus ou moins activement là, aux manifestations. On était présents aux manifs. Tout était au moins à une manif, certain. Même plus. Au moins une dizaine de manifs. Je restais modeste. Et est-ce que, selon vous, est-ce que ça a changé un peu le caractère? Est-ce que ça a eu un effet sur le caractère, comme genre de la scène punk, la scène oi, ou même sur le caractère de l'environnement? Ou de l'atmosphère ou de l'attitude des étudiants, des étudiantes? Je dirais que la scène punk, oi, dans laquelle on se situe, qui va être plus la scène street punk, la scène oi, il n'y a pas énormément d'étudiants qui sont dans cette scène-là. Mais je dirais que cette scène-là s'est joint au mouvement assez rapidement dans le mouvement. Ça a été vraiment intéressant de voir la politisation de plusieurs éléments de la scène, dans le fond, vers la gauche. Alors qu'avant, il était pas de droite ou quoi que ce soit, mais il était pas nécessairement touché par les questions politiques plus la que grève, ça. La grève, ça a politisé quand même tout le monde. Profondément, puis c'est ça qui a été vraiment beau. Puis je veux dire, il y a beaucoup de punks de skin qui participaient aux manifs. Tout fait que ça a vraiment aidé la scène. Puis maintenant, la scène, je dirais qu'elle est peut-être plus politisée suite au mouvement. Ouais. Puis aussi, qu'on ait été invité à faire des shows, soit bénéfice ou pour supporter la cause étudiante, ben c'est sûr qu'il y a eu des... C'est des nouveaux liens, puis il y a des gens qui nous auraient peut-être pas connus sans le mouvement étudiant. Donc ça, c'est quand même dans nos meilleurs shows, les shows étudiants, parce que c'est une bonne ambiance, puis l'ambiance festive, tout ça. Ouais. On joue souvent avec un groupe qui s'appelle Mise en demeure. Je sais pas si ça dit quoi, mais c'est un groupe plutôt loufoque, tout, mais ça attire beaucoup d'étudiants qui font c'est le party. C'est comme le cliché un peu. Ouais. Et c'est qui, comme... clairement, vous ne vous gênez pas de cacher, vous savez, pas l'intention de cacher vos politiques. C'est qui écrit les paroles? J'ai écrit, j'ai écrit la majorité des paroles, mais il y a Beau aussi qui a écrit 12 chansons dans le CD, puis que je pense qu'il y a l'intention d'en réécrire dans une nouvelle composition. Et si vous aviez à décrire, vous décrire vos politiques, vous décrivez comment? Mais je pense que nous, on aime bien le terme rock libertaire là, pour nous décrire, donc je pense qu'on pourrait dire qu'on est un groupe libertaire. On est antifasciste, féministe aussi. C'est ça. Anticapitaliste aussi. Ça se décrit mal en un seul mot. En deux mots. De parler un peu des inspirations pour vos chansons, ce qui a inspiré certaines de vos chansons. Si vous demandez de parler, par exemple, Sœur d'armes, qu'est-ce qui vous a motivé, inspiré à écrire cette chanson-là? C'est une chanson assez, selon moi, assez... qui pourrait être assez, qui bûche assez. Si vous commencez l'album avec ça, je pense que c'est un bon début à l'album. Vous me parlez un peu d'inspiration de ces chansons-là? Écrit, je peux en parler, dans le fond, c'est quelque chose qui est vraiment plus relié à la scène punk skill, antifasciste, si on veut. C'est que c'est des choses que... C'est sûr que la culture antifasciste, c'est beaucoup aussi dans la rue, physique, macho souvent. Puis, ben, il y a un groupe à Montréal, politique, qui s'appelle le Montréal Sisterhood. C'est dans le fond nos camarades. OK. Nos camarades. Dans le fond, mais c'est ça. Après des discussions avec les filles du Sisterhood, souvent des choses qui revenaient, c'est on est tanné de pas être invité dans les actions de rue, on ne fait pas confiance. D'être moins pris au sérieux par rapport à un sexe. Le genre de choses qui pouvaient arriver, c'est que des fois, il y a du monde qui disait « OK, là, on a besoin de backup, vous êtes combien? » Mais là, la personne répondait « Ah, on est 5, comptait pas les filles qui étaient là, comptait juste les gars, des choses comme ça. » Fait que ça m'a un peu inspiré pour écrire cette toune-là. Les autres tunes, certains comme Prisonnier politique, c'est une chose qui me touche quand même pas mal. Je suis fait en compte arrêté au G20 à Toronto sans aucun motif. Puis c'est entre autres là-dessus que je suis parti pour écrire cette chanson-là. Si on parle d'Instinct de survie, L'exploiteur, que c'est beau qu'il a écrit, c'est des chansons qui vont plus aller le toucher, je pense. Ben, si tu veux en parler. Ouais, ben en fait, moi je me suis inspiré de la situation au Cambodge avec Pol Pot. Ça, c'est une petite critique sur le communisme totalitaire. Aussi, on combat le fasciste, aussi le fasciste de l'autre bord aussi. Instinct de survie, elle parle... En fait, je l'ai écrit avec mon oncle qui m'a raconté un petit peu sa situation dans ses mots à lui, comment il vivait quand il était dans des camps de réfugiés. Puis il y a aussi l'exploiteur que j'ai écrit qui parle de la solidarité qu'on a envers les travailleurs migrants qui viennent travailler au Québec. Donc, ça touche pas mal. Sur le sujet du communisme totalitaire, en parlant aussi de la politique, les scènes, les mouvements sociaux à Montréal, vous décrivez comme un groupe de rock libertaire, mais je sais que... Il y a une présence, je sais, de mouvements communistes. C'est de la différence entre le communisme libertaire et le communisme autoritaire. Des groupes comme le Parti communiste révolutionnaire, est-ce que vous avez des relations avec eux? Je sais qu'ils ont tendance à être un peu plus autoritaires que libertaires, mais... On a certains liens avec eux. Je dirais pas en tant que groupe, là, on n'a jamais eu affaire avec eux en tant que groupe, mais c'est certain que dans la scène, il y a des gens qui vont se réclamer de ça. On est quand même proche du RASH, qui est le Red and Anarchist Club, dans lequel il va y avoir autant des communistes qu'il y a des libertaires. Puis il y a des gens qui vont plus se réclamer des factions maoïstes ou trotskistes, plus ou moins. Le Ben en tant que tel, non, mais tu sais, peut-être plus dans notre entourage. Mais c'est pas un groupe avec lequel on a travaillé, puis je pense pas que c'est un groupe avec lequel on va travailler. Je sais pas, s'ils nous demandaient de faire un concert, si on accepterait ou non, ça serait, je pense, Baroque. Ouais, je pense qu'il faudrait s'en parler. Ça serait genre une question litigieuse, en fait. Ouais. On peut pas... Une décision de groupe. Votre chanson, chanson Instinct de survie, genre un petit morceau, comme une petite partie western, on dirait dans le milieu. Ça vient d'où ça? C'est justement, on parlait du contexte de vivre sous un régime totalitaire. Ben, tu sais, cette partie-là était plus. Question musicale pour montrer comme une réplique, donc plus farfelu. C'est un contraste avec le reste. Mais aussi, c'est que la chose qu'on voulait montrer, c'est la chanson, elle parle de des gens qui sauvent, dans le fond, pour quitter leur pays. Puis c'est comme des gens qui sont en train de courir pour traverser la frontière, puis qui se feraient tirer dessus par ce qui est quand même arrivé relativement souvent dans ce genre de régime-là. On parle du Cambodge de Pol Pot ou autre pays sous une dictature. Ouais. En fait, c'est une distraction. C'est le Teresa Spanner. On va vous dire que je suis chanceux sur ça à la radio. Tout le monde n'avait pas la suite chantée. Je me trompe pas, vous avez fait un show récemment pour le Rock Against Racism à Montréal. Ouais. Alors, clairement, vous avez parlé de la politique. Êtes-vous personnellement impliqué dans des groupes, Alex, à part des groupes, des mouvements sociaux, à part le... Vous avez parlé du Montréal Sisterhood et du RASH. En tant qu'individu, votre... Êtes-vous impliqué avec des groupes semblables? Pour ma part, non. Mais moi, j'appuie leur ambition. Je ne sais pas si... Je pense pas individuellement, il y a des gens qui sont impliqués dans des groupes comme le RASH, le Montréal Sisterhood, le Sharp Montréal, même Antiraciste Action qui est très proche de nous, dans le fond. Personnellement, moi, j'ai été aussi impliqué plus dans le mouvement libertaire au Québec. Je suis plus ou moins impliqué présentement, mais on prépare quelque chose peut-être qui va s'en venir. Donc, OK. Et à part de faire votre premier show à l'extérieur du Québec, avez-vous des grands plans pour l'année 2013? Pour ma part, moi, c'est sûr que j'envisage de nouvelles compos, peut-être faire un split CD avec un groupe en Europe. Ben, moi, principalement, c'est écrire des nouvelles chansons et essayer de s'avancer là-dessus. Ouais. Parce que faire des spectacles avec tout le temps les mêmes chansons, Le son, il a beaucoup changé aussi. Vous allez le voir ce soir. On a une nouvelle. On a deux nouvelles compositions qui sont pas suivies. Puis on voit vraiment le son. Première fois qu'il arrive. First time. Yes. Primeur. Cool. Puis, c'est ça, ben, le Rock Against Racism, c'est venu naturellement parce que justement, on est proche des mouvements antiracistes, puis on nous a contactés rapidement. Puis la personne qui a gagné ces spectacles-là, ben, c'est Aaron. C'est un gars qu'on fréquente souvent dans le milieu à Nord. Il s'implique beaucoup dans des. Sur la question israélo-palestinien. Puis, c'est ça. Puis aussi, tu sais, il y a beaucoup de nos groupes amis qui ont joué, comme je pense à m'aider, mais moi je pense aussi à Front Bâton. C'est ça, je pense que c'est vraiment. C'est une belle initiative, puis on espère que ça va continuer. Ouais. Si vous aviez, juste une question de moi, si vous avez à sortir un split, disons, vous avez l'opportunité de sortir un split avec un groupe, n'importe quel groupe ou artiste présent ou passé. Ou passé. Ouais. Brigada. Je pense que notre groupe préféré, ce serait Brigada Flores Wagon. Mais c'est dur à dire. C'est sûr qu'on n'est pas pour tout le monde. Ouais, ouais. C'est sûr qu'il nous dirait oui en plus. Mais on n'est pas vraiment de leur niveau, là, on s'entend. Mais nous, on. C'est sûr, on pense sortir un split éventuellement. En fait, ce serait l'année qui va vraiment, qu'on veut mettre le paquet, ce serait 2014 pour sortir un split, puis éventuellement peut-être même faire une tournée en Europe. Mais je pense que personnellement, moi, ça serait Brigada Flores. Moi, ce serait Optio. Optio? Optio, 95. Ouais. Peut-être de même, je ferais pas de ça. Yopress. Ouais, ben ça se pourrait se faire avec Brigada parce qu'ils se sont reformés en fait de show. I'm not sure. OK, ben. Bon, j'ai fait un peu freestyle, mais c'est toutes les questions que j'avais. Avez-vous un dernier mot? Salut. D'encourager la scène locale, puis d'encourager les mouvements qui luttent contre des questions d'oppression, contre l'homophobie, contre le sexisme, contre le racisme, contre le capitalisme. Puis de s'impliquer, puis de. Écoutez, Action, c'est ça. Puis merci à Rebel Time Records de nous avoir booké ici. On est super contents. Puis on est contents que ça existe, un merci label comme toi, ça. Aussi. Merci à vous. Merci de faire vivre la scène francophone à l'extérieur un peu du Québec. À Lyon. Hey, vous êtes ici aux guys de Lyon qui nous écoutent. What's up à Lyon? Voilà! c'était... vous écoutez toujours Sous Pression. On vient d'entendre l'entrevue avec Action Sédition. Alors, je remercie les membres du groupe d'avoir pris le temps de s'asseoir avec moi pour pouvoir jaser pendant quelques minutes avant leur show au Rebel Fest à Hamilton. On a aussi entendu une couple de chansons pendant l'entrevue. On a entendu la chanson No You Can't de leur album Rapport de Force, et bien sûr, on vient juste d'écouter Instinct de Survie. Et puis, juste à la fin de l'entrevue, là, on entendait le monde dire « Ah, merci de tous ceux qui écoutent à Lyon, mais aussi merci de tous ceux qui écoutent à Toronto et partout dans le monde. » Mais on a parlé de Lyon parce que avant l'entrevue, j'asais avec des membres du groupe, on parlait, tu sais, une émission francophone dans un marché anglophone comme Toronto, c'est pas facile. Puis je disais, ben, je mets ça en ligne, puis je reçois des courriels de, tu sais, du monde de, t'sais, Montréal, Québec, et je disais, j'en reçois beaucoup de Lyon. C'est cool parce que Lyon a l'air d'avoir vraiment une scène de punk très active et très en bonne santé, d'après ce que je peux voir, d'ici, de l'autre côté de l'océan. Alors, c'est pour ça. Alors, c'était un petit shout-out à tous ceux et celles qui nous écoutent partout, et même ceux à Lyon. Alors, c'est ça, je continue en musique. Je pense que j'ai le temps pour une couple de dernières chansons. Mais si vous voulez entendre, si vous l'avez manqué l'entrevue, vous voulez la réécouter, vous pouvez visiter souspression.wordpress.com. On met les émissions en ligne à chaque semaine. Vous pouvez écouter ça n'importe quand, n'importe où, là, comme vous voulez. Alors, ça sera en ligne très bientôt, souspression.wordpress.com, dans la prochaine journée ou deux. Et je vais continuer avec peut-être, je pense que j'ai le temps pour au moins deux dernières chansons. Enfin, jouer une chanson par Brigada Flores Magón, parce que quand je leur ai demandé Action Sédition s'ils pouvaient faire un split avec n'importe quel groupe, ils ont dit Brigada Flores Magón. Alors, je vais faire jouer une chanson de leur album Rock or Die, le septième morceau, la chanson Ça se paiera. Et si j'ai le temps, je vais faire jouer peut-être une ou deux autres chansons après ça. Alors, c'est ça, du Brigada Flores Magón à Sous Pression. Alors, c'était du Mayday, la chanson Coup pour coup de leur démo Accept une fois à Verdun. Le temps pour une dernière chanson du 8-6 Crew de leur album Bad Bad Reggae, Working Class Heroes.